Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il y a des choses qui peuvent t'arriver que tu n'arrives pas à comprendre, qui sont difficiles. Mais nous devons savoir que Dieu est assis sur son trône. Toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. C'est pourquoi tu dois te réveiller. Tu dois commencer à bénir le Seigneur, même dans la douleur. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille ton voisin. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 51. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce les bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras tes sacrifices de justice. Des holocaustes et des victimes sont tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Il y a trois vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis de OSB. Première vérité, en tant que prophète, apprenons à dénoncer les péchés dans la société. Vous voyez, lorsqu'on parle souvent aujourd'hui des prophètes, il est prophète. Nous savons dans le ministère du prophète, il y a souvent les deux aspects. Il y a l'aspect annonciateur, où on est en train d'annoncer les événements, parfois les événements futurs, mais il y a l'aspect dénonciation où on dénonce les péchés de la société, les péchés des dirigeants, les péchés de tous ceux qui sont élevés. Nous devons avoir ce courage-là. Quand quelqu'un dit qu'il est prophète, il doit aussi exercer ce ministère. C'est ça, nous voyons, le modèle de Nathan le prophète. Ce psaume nous montre le contexte dans lequel David a écrit ce psaume. Le verset 1 et 2 situe le contexte. Il dit, le prophète Nathan vint voir le roi David pour dénoncer son péché d'adultère avec Bathsheba et le meurtre de son mari Uri. Ce récit nous est raconté dans 2 Samuel 11, 1 à 12. Notez bien que le but de Nathan n'était pas d'humilier publiquement le roi David. Son objectif était de lui montrer que son comportement n'a pas plu à Dieu afin de le ramener à la repentance. De nos jours, de tels prophètes qui dénoncent le mal et qui peuvent aider les dirigeants à se repentir de leurs péchés sont très rares. Vous voyez, aujourd'hui, souvent quand quelqu'un dit « il est prophète », c'est pour dire à quelqu'un « Dieu m'a révélé que c'est toi qui seras élu maire, qui seras élu député ». Oui, c'est bien. C'est pour dire, voilà, Dieu m'a révélé, le sorcier de ton village, c'est celui-ci, celui-là. Mais attends, le prophète n'est pas seulement celui qui révèle les choses cachées, mais il dénonce aussi. Comment peux-tu dire à quelqu'un que Dieu m'a révélé que tu seras élu maire, tu seras élu à tel poste, tu seras nommé, mais le même esprit ne te montre pas qu'il est en train de vivre dans le concubinage, il a des maîtresses, vous voyez. Soyons quand même sérieux. Aujourd'hui, nous confondons très souvent prophétie et divination. Plusieurs prophètes d'aujourd'hui se comportent comme des devins pour révéler les noms des sorciers de la famille qui seraient à la base de malheurs des autres. Ils prophétisent l'élévation, la réélection des dirigeants, etc. Mais ils ferment les yeux lorsque il y a le viol, l'assassinat, l'adultère, l'injustice, quand ces choses deviennent monnaie courante chez nos dirigeants. Lorsque nous avons l'occasion de jouer le rôle de conseiller d'une personnalité ou d'être son pasteur, ayons le courage de dénoncer aussi les péchés pour lui ramener la personne à la repentance, comme l'a fait ici Nathan. Deuxième vérité, apprenons à confesser nos péchés à Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, quand on parle de la prière, il y a des gens qui confondent. Quand on parle de prière, on voit les gens qui forment les coups de poing pour donner des coups de poing à Satan, coups de poing aux démons. Il dit les prières de combat. Mais attention, nous devons apprendre aussi à faire ce qu'on appelle des prières de confession. Quand tu as commis un péché, ce n'est pas la prière d'autorité pour chasser les démons. Tu vas chasser un démon pendant que tu vis dans le mensonge. Non, mon ami, la prière que tu dois faire, là, c'est la prière de confession où tu reconnais ton péché. Ce psaume, c'est un psaume que David a écrit pour montrer son cœur repentant. Lorsque le péché d'adultère lui a été révélé, il est sorti avec la femme d'Uri, qui s'appelle Bathsheba. Quand Nathan est venu lui révéler son péché, il n'a pas emprisonné Nathan, mais il a composé ce psaume pour reconnaître son péché. Examinons un peu les paroles de ce psaume pour montrer l'attitude de celui qui confesse le péché. Donc, ce psaume fait partie des 7 psaumes dits de pénitence, à savoir le psaume 6, 32, 38, 51, 102, 130 et 143. Il nous révèle les bonnes attitudes ou les étapes d'une bonne confession. Voici quelques éléments. Lorsque nous confessons nos péchés, implorons la miséricorde divine. David demande à Dieu d'avoir pitié de lui dans sa bonté et sa miséricorde. Il montre aussi que lorsque nous confessons nos péchés, reconnaissons nos péchés et ne cherchons pas à nous justifier. Ceci ressort des paroles de David. Il dit au verset 6, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Verset 5, il dit, « J'ai péché contre toi seul. » Verset 6, il dit, « Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Verset 7, c'est ici le lieu de faire quelques remarques. Il y a une différence entre l'attitude de David et du roi Saül. Souvent, quand on lit la Bible, on peut dire, mais pourquoi Dieu était très dur avec le roi Saül, alors que lui aussi a désobéi? Mais il y a deux attitudes différentes. Les deux ont péché, mais ils ont eu deux attitudes différentes. Quand le prophète Samuel est venu révéler son péché à Saül, il n'a pas reconnu son péché. Il a cherché à se justifier, il a épargné les brebis grasses, il a dit, s'il les a épargnés, c'est pour offrir au Seigneur. Et le prophète lui a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tandis que David, quand le prophète Nathan lui a révélé son péché d'adultère, il a dit, il a reconnu, il a dit, j'ai péché. Vous voyez, lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, apprenons à dire la vérité sans rien cacher au fond de notre cœur. David dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Verset 8. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Plusieurs n'expérimentent pas une délivrance divine ou la guérison de leur maladie, car ils ont gardé en eux certains péchés qu'ils n'ont pas confessés à Dieu. De tels péchés nécessitent parfois de les confesser devant des serviteurs de Dieu, devant un pasteur, afin qu'on prie pour vous. Jacques dit, confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16. Lorsque nous confessons nos péchés, demandons à Dieu de nous purifier de tout mal. David demande à Dieu de le purifier avec l'hysope. Verset 9. C'était une plante utilisée à l'époque pour asperger le sang ou l'eau en vue de la purification du concerné. Pour nous, de la Nouvelle Alliance, nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 7. Toujours en parlant de la confession, lorsque nous confessons nos péchés, demandons à Dieu de nous renouveler, de renouveler notre communion avec lui et de nous remplir de son esprit. David dit, « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit disposé. » Verset 12. Il ajoute, « Ne me retire pas ton esprit saint. » Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit pouvait se retirer de la vie du pécheur, étant donné que l'effusion du Saint-Esprit promis par le prophète Joël n'était pas encore réalisée. Mais depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église de telle sorte que toute personne qui a cru en Jésus le reçoit. Et nous n'avons plus besoin de dire « ne méritez pas le Saint-Esprit » parce que quand le Saint-Esprit est en toi, il demeure éternellement avec toi. Lorsque nous confessons nos péchés, prenons l'engagement de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur et de faire sa volonté. David dit « j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Verset 15. Troisième grande vérité, il y a des vérités sur Dieu que nous devons connaître lorsque nous péchons. Quelles sont ces vérités? Première vérité, Dieu est bon. Sa bonté les pousse à rechercher toujours notre bien. Deuxièmement, il est miséricordieux. Dans sa miséricorde, il nous pardonne nos péchés lorsque nous les confessons. Verset 3. Troisième vérité, il est compatissant. David dit, tu ne dédaignes pas un cœur contrit. Verset 19. Quatrième vérité, il est juste. Dans sa justice, il ne tolère pas le péché. Il peut pardonner les péchés, mais il ne supprime pas nécessairement la conséquence de nos péchés. Malgré la reconnaissance de son péché, Dieu a châtié sévèrement David. Le fils issu de son adultère est mort. Et l'épée ne s'est pas éloignée de sa maison. Selon la sentence prononcée par le prophète Nathan, David est conscient de cette réalité. C'est pourquoi il dit, « En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer par ce chant. La gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. toi. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je vais te louer, je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je vais te louer, je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Et bénis le nom du Seigneur pour son amour, sa bonté, sa justice, sa compassion. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite à partir d'Abidjan sur la Radio Nationale des Églises Protestantes Évangéliques de Côte d'Ivoire, la radio Fréquence Vie. Au microphone, votre serviteur, Révérend Dieudonné Ngoumbi. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 51. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons à partir de ce psaume. Prions pour que Dieu nous aide à dénoncer les péchés qui minent la société. Prions particulièrement pour ceux qui portent le nom des prophètes, afin qu'ils suivent l'exemple de Nathan en aidant les dirigeants des non-nations par la dénonciation de leurs crimes, en les aidant à revenir au Seigneur. Prions le Seigneur. Merci Père éternel, d'un cœur reconnaissant. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta sécurité. Merci pour ta protection. Merci Père, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, ton Fils Jésus-Christ est mort pour nous. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que par ton Esprit Saint, tu nous aides à dénoncer les maux de cette société, à dénoncer le péché, à dénoncer des œuvres iniques. Nous prions particulièrement pour les prophètes, afin que par ton Esprit Saint, non seulement tu donnes la révélation, mais tu leur donnes également la force, le zèle pour déclarer aux dirigeants, déclarer aux responsables les péchés qu'ils ont commis, les transgressions qu'ils ont commises. Père, nous prions afin que chaque prophète puisse véritablement accomplir son ministère de dénonciation des choses de la société, mais dénonciation avec sagesse, qui puisse confronter les responsables, tous ceux qui occupent des postes de responsabilité, que ce soit dans nos communautés, que ce soit au niveau des dirigeants, qui puissent aller vers ces personnes et les confronter avec les faits, les confronter avec la réalité, afin qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur et recevoir la grâce, qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie. Père, tu nous donnes cet exemple de Nathan qui a confronté avec sagesse David. Et David s'est tourné vers l'Éternel. Nous disons merci pour cette grâce. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons examiner nos vies. Chacun va examiner sa vie. Si tu as péché, comme ce fut le cas de David, tu dois confesser ton péché sincèrement, sans rien cacher, au nom de Jésus-Christ. Confesse tout péché que tu n'as pas confessé, que tu gardes depuis longtemps, depuis des mois, depuis des années, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nous bénissons le Dieu qui est pur, le Dieu qui est saint, le Dieu qui nous connaît et qui vit toujours et toujours dans la sainteté et qui désire que ses enfants soient saints. Seigneur, ce matin, je viens à toi humblement me mettre à genoux pour te dire combien de fois je souffre, combien de fois je suis malade à l'intérieur de moi, combien de fois je suis désorganisé, déstabilisé, je suis mal à l'aise parce que je vis dans ce péché. Et je suis sournois parce que je n'arrive pas à sortir de ce péché, à me débarrasser de ce péché. Aie pitié de moi. Je me répands de ces idées négatives, de ces pensées mortes. Aie pitié, Seigneur, de ce frère qui vit dans l'impudicité, de cette sœur qui se cache pour entretenir des relations avec un homme marié. Je te demande pardon, Seigneur, pour ce vol constant dans lequel là se trouve cet homme, pour ce péché qu'entretient ce jeune homme, cette jeune fille. Père, regarde ton serviteur qui est un menteur. Regarde cette femme qui ne dit pas la vérité. Regarde, Seigneur notre Dieu, cette famille qui est constamment dans les pleurs, qui ne te connaît pas, qui ne cherche même pas à te connaître, qui se plaît dans l'idolâtrie, qui se plaît devant les statues, devant les bois taillés, devant les images taillées. Sanctifie-nous devant ces parterres innombrables de péchés. Aie pitié de nous. Nous voulons renoncer à cela. Aide-nous, Seigneur. Relève-nous, remets-nous sur ta voie, ô Dieu. Autre péché que nous avons fait, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous voulons renoncer à cela. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à le faire. Seul ton esprit peut nous aider à renoncer et abandonner ce péché. Béni sois-tu pour cette force que tu nous donnes, oui, à dire non au péché et à dire oui à la sainteté et à la consécration. Merci Seigneur Jésus pour ton œuvre dans la vie de chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons prier particulièrement pour ceux qui sont malades ou qui vivent des situations difficiles qui peuvent être la conséquence du péché. Nous allons prier Dieu pour qu'il les aide à se repentir, à aller si possible voir des serviteurs de Dieu confessant leurs péchés et qu'ils puissent prier pour eux afin qu'ils reçoivent la restauration et la guérison au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force. force dans la prière. Très excellent Père, nous avons la joie une fois de plus d'invoquer ton nom ce matin. La joie d'invoquer ton nom ce matin parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Nous sommes reconnaissants du fait que ce n'est que par ta grâce. Nous prions pour tous ceux, pour toutes celles qui passent par des moments de difficulté, ceux qui souffrent à cause des péchés, la souffrance étant les conséquences des péchés qu'ils ont commis. Nous prions, Père éternel, et nous demandons que tu te révèles à ces personnes afin qu'elles puissent se tourner vers toi, demander pardon. Demander pardon afin d'être restauré. Demander pardon afin que leurs péchés soient purifiés. Et demander pardon afin qu'ils soient libérés des conséquences de ces péchés-là. Nous prions au Père et nous demandons que ton Esprit Saint les convainque de péché. Que ton Esprit Saint les guide. Que ton Esprit Saint les éclaire afin qu'ils puissent toujours se tourner vers toi. Nous disons merci Père éternel parce que tu veilles sur tes enfants, tu sécurises tes enfants et ceux qui sont endurcis dans leur cœur, ceux dont le visage est voilé et qui ne veulent pas reconnaître la vérité. Père, interviens et fais en sorte que par l'épée de Jéhovah qui est ta parole, le voile soit déchiré, la couverture soit enlevée afin qu'ils puissent reconnaître la source, l'origine de leur défi, de leur problème, qu'ils puissent se confesser afin d'être délivrés de cette souffrance, d'être restaurés et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est en son nom que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange.